Les âmes doivent le découvrir intérieurement. Et c'est pas par l'extérieur que ces choses-là se découvrent. C'est par l'intérieur. Pour accélérer le processus de l'évolution et faire comprendre aux âmes qui ont le pouvoir d'accéder à un autre niveau de conscience, que les temps s'acheminent vers l'explosion du supramental sur la planète. L'évolution de l'homme n'est pas conclusive, elle est totalement inconclusive. Et la participation des entités qui viennent sur les plans matériaux pour éduquer ou donner une certaine forme d'éducation aux hommes, quel que soit le véhicule ou quelle que soit la méthode ou le format qu'ils se servent pour faire ça, ce sont des formats qui sont vibratoirement en puissance et qui ne peuvent pas être abolis de la planète ou de la conscience de la planète. C'est pourquoi les individus en tant qu'entité évoluant en tant qu'entité qui, un jour ou l'autre, travailleront dans la pleine conscience de ces êtres-là, doivent participer aussi près que possible à l'activité de ces êtres-là par leur propre conscience interne, en réalisant en eux-mêmes les différents aspects de leur propre mirage. Parce que chacun de vous autres a un mirage. Je peux tous vous les compter, vos mirages. Vous en avez tout un. Un exemple d'un mirage, c'est qu'il y en a qui, depuis très très longtemps, se sentent un petit peu différents des autres. Il y en a parmi vous autres qui, depuis longtemps, savent que ne mourront pas. Il y en a d'autres parmi vous autres qui savent qui ont quelque chose à faire. Alors, le mirage se manifeste de différentes façons. Vous n'en connaissez pas l'aspect du mirage, mais vous l'avez vécu, vous l'avez intuité. Mais à un certain moment dans votre vie, il va falloir que vous le connaissiez, ce mirage-là, et pouvoir l'interpréter d'une façon parfaite, pour ne pas tomber dans la forme du mirage. Parce que vous allez partir en valeur. Et puis votre conscience supramentale va se développer. Plus vous allez prendre conscience de ce mirage-là. Il y en a d'autres, par contre, pour qui le mirage est totalement bloqué. Pour les empêcher d'aller trop vite. Kroto, c'est un exemple. C'est bien subtil, l'esprit. Puis c'est bien subtil, l'évolution. Puis c'est bien subtil, les relations que vous avez avec les hommes. Vous savez jamais qui vous côtoyez. Vous savez jamais qui vous côtoyez. Vous pouvez avoir des idées. Vous pouvez vous sentimentaliser les réponses. Vous pouvez faire d'overtime. Vous pouvez espérer que c'est le même. Vous pouvez colorier ce que vous désirez spirituellement à Dieu. Vous savez pas. C'est là qu'ils doivent partir, parce que travailler le matin, ils viennent. Ils viennent d'où, les mirages? Hein? Ils viennent d'où? Les mirages viennent d'où? Les mirages font partie d'intuitions en vous, qui sert à vous mettre, à vous donner une sorte d'orientation intérieure. Ça fait partie de votre connaissance cachée. Une intuition, un mirage. C'est une intuition, mais c'est pas assez l'intuition. On peut plus fonctionner au niveau de l'intuition. C'est dangereux, l'intuition. Ça nous fait casser la tête partout. Mais quand c'est une intuition qui nous tire, ça dépasse. L'intuition, c'est jamais sûr. À ce moment-là, l'intuition, c'est jamais sûr, parce que l'intuition, c'est jamais totalement compris. Mais moi, j'interprète ça comme une intuition. Vous avez appelé ça mirage, là. Oui. J'appelle ça mirage. Comme le mot intuition, pour vous autres, c'est un mot. Pour moi, ça veut rien dire. Tu sais, j'essaie de vous faire comprendre quelque chose. J'essaie de vous faire comprendre la valeur absolue, la relativité absolue des concepts que vous avez. Comme vous autres, les gens parlent du subconscient puis d'inconscient. Ça existe pas pour nous, le subconscient. Pour les psychologues, ça existe. Le subconscient existe parce que les gens pensent que ça existe. S'ils pensent pas que ça existe, ça existera pas. Ou si tu penses que quelque chose existe, ça existe. Non. Right? Et le mirage, quand on est là, c'est bon, faut l'alimenter. Quand vous l'avez, il s'alimente tout seul, il reste là. À moins que vous oui, l'éducation peut le tuer ou des choses de même. Mais en général, mirage égale fertilité. C'est une sorte de prémonition. C'est une sorte de prémonition d'expérience quelconque. C'est pas une certitude parfaite. S'il y en a parmi vous autres, par exemple, qui ont le mirage de pas mourir un jour, disons que ceux qui l'ont eu, je parle pas après qu'on s'est connu, parce que j'ai ouvert trop de portes. Mais disons avant, là, quand vous étiez jeune, que vous aviez l'impression qu'un jour vous mourriez pas. Vous étiez pas sûr que c'était ça. Vous aviez la sorte d'intuition certaine que c'était ça. Vous comprenez ce que je veux dire? La différence? Entre l'intuition certaine d'une chose et la certitude d'une chose. Moi, je l'ai, j'ai résolu mon Vous, vous l'avez. Vous l'avez tant qu'on la pousse pas au bout. Aussitôt qu'on la pousse au bout, à ce moment-là, vous l'avez plus. Vous tombez dans le doute. Là, moi, j'ai résolu mon appel et j'ai dit, si je me suis donné cette idée-là, c'est que j'avais trop peur de la mort et je me suis comme fait à toi. Vous tombez dans le doute. Au stage, là, vous êtes rendu à un stage, là, où vous êtes capable de comprendre comment je veux exprimer ce que je sais. Vous êtes rendu au stage où vous êtes capable de comprendre comment je veux exprimer ce que je sais. Et ça, vous comprenez pas ça. Il y a 5 participes. Quand je dis comment je veux exprimer ce que je sais, ça veut dire que je vous dis des choses pour engendrer en vous une vibration. Je vous dis des choses pour créer en vous une turbulence dans le psychisme humain. Je vous dis des choses pour que tout à l'heure, demain, vous puissiez revenir sur ce que j'ai dit pour réengendrer la vibration. Je vous dis des choses pour que vous voulez complètement votre esprit. Pour vous forcer dans des couloirs. Puis ensuite, je vous dis des choses pour ouvrir les couloirs. Fait que les lois vibratoires de ça, de cette instruction-là, sont des lois d'énergie extrêmement grandes, extrêmement puissantes, extrêmement belles. Mais vos égos réagissent pas tous de la même façon à cette énergie-là. Chacun de vous autres réagit d'une façon différente à cette énergie-là. Mais pour chacun de vous autres, il y a une vibration éventuelle qui sert à vous amener de plus en plus vers le supramental. Une, là, comme elle, comment ça s'appelle, Mme Bouliane? Là, elle est rendue comme ça. Elle est assise, là, t'écoutes une conversation, là. Là, elle est rendue que tu fasses ça avec ton corps. Quand tu es rendu que tu fasses ça avec ton corps, c'est parce que ton esprit veut se concentrer plus. Ça fait partie de l'évolution. Je ne veux pas dire que tout le monde faut que tu fasses ça avec son corps. Mais j'explique le mécanisme en elle qui fait que l'esprit s'ouvre de plus en plus à lui-même. Pour pouvoir me percevoir. Parce que je vais vous dire quelque chose de bien intéressant, vous, là. Si on relève, si on est comme ça, là. Ouais. Si ça veut dire. Même chose. Mais j'explique son cas à elle. C'est pour ça que je dis, mettez-vous pas tout de même. J'explique son cas à elle. Reste de même. Lui, il cherche pas. Si je dis une chose, il me donne l'opposé. C'est faire du diable. Ça, faire du diable. C'est pour expliquer le mécanisme de l'esprit. Je vais vous dire une chose, puis croyez-y pas, ça. Là, ils vont me dire, mais oui, tu nous dis ça, moi. Mais... Charles aussi, très heureux.